Section 75 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 75. L'abbé Constantin par Ludovic Halévy de l'Académie française. Chapitre 9. C'est le 10 août, le jour qui doit ramener Jean à Longueval. Bettina se réveille de très bonne heure, se lève, court tout de suite à la fenêtre. Un grand soleil perce et déjà dissipe les vapeurs du matin. Le ciel, la veille au soir, était menaçant, chargé de nuages. Bettina a peu dormi et toute la nuit, elle se disait « pourvu qu'il ne pleuve pas demain matin ». Il va faire un temps admirable. Bettina est un peu superstitieuse. Cela lui donne bon espoir et bon courage. La journée commence bien. Elle finira bien. Monsieur Scott est revenu depuis quelques jours. Bettina l'attendait sur le quai au Havre, à l'arrivée du paquebot, avec Suzy et les enfants. On s'est embrassé tendrement à plusieurs reprises. Puis Richard, s'adressant à sa belle-sœur, « Eh bien, dit-il en riant, à quand le mariage ?»« Quel mariage ?»« Avec M. Jean Reynaud. »« Ah, ma sœur vous a écrit ?»« Suzy, aucunement. Suzy ne m'a pas dit un mot. C'est vous, Bettina, qui m'avez écrit. Dans toutes vos lettres, depuis 2 mois, il n'est question que de ce jeune officier. »« Dans toutes mes lettres ?»« Oui, oui. » Et vous m'écriviez plus souvent et plus longuement qu'à l'ordinaire. Je ne m'en plains pas, mais enfin, je vous demande quand vous me présenterez mon beau-frère. Il plaisante en parlant ainsi, mais Bettina lui répond « Bientôt, j'espère ». Monsieur Scott apprend que l'affaire est sérieuse. Au retour, en wagon, Bettina a redemandé ses lettres à Richard. Elle les relit. C'est de lui, en effet, qu'à chaque page, il est question dans ses lettres. Elle retrouve là, racontée dans ses moindres détails, la première rencontre. Voici le portrait de Jean, dans le jardin du presbytère, avec son chapeau de paille et son saladier de faïence. Et puis encore Monsieur Jean, toujours Monsieur Jean. Elle découvre qu'elle aime depuis beaucoup plus longtemps qu'elle ne le pensait. Donc c'est le 10 août. Le déjeuner vient de finir au château. Harry et Bella sont impatients. Ils savent que le régiment doit entre 1h02 traverser le village. On leur a promis de les mener voir passer les soldats. Et pour eux aussi bien que pour Bettina, le retour du 9e d'artillerie est un grand événement. « Tante Betty, dit Bella, tante Betty, viens avec nous. » « Oui, viens, dit Harry, viens, nous verrons notre ami Jean sur son grand cheval gris. » Bettina résiste, refuse, et cependant, quelle tentation. Mais non, elle n'ira pas. Elle ne reverra Jean que le soir, pour cette explication décisive, à laquelle, depuis 20 jours, elle se prépare. Les enfants partent avec leur gouvernante. Bettina, Suzy et Richard vont s'asseoir dans le parc, tout près du château, et dès qu'ils sont installés, « Suzy, dit Bettina, je vais aujourd'hui vous rappeler votre promesse. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé entre nous, le soir de son départ. Il a été convenu que si le jour de son retour, je vous disais, « Suzy, je suis sûre de l'aimer, il a été convenu que vous me permettriez de m'adresser à lui franchement et de lui demander s'il voulait de moi pour femme. Oui, je vous l'ai promis, mais êtes-vous bien sûr ? Absolument sûr. Je vous préviens donc que j'ai l'intention de l'amener. Tenez, ici même, ajoute-t-elle en riant, sur ce banc, et de lui tenir à peu près le langage que vous avez tenu autrefois à Richard. « Cela vous a réussi, Suzy. Vous êtes parfaitement heureuse. Et moi aussi, je veux l'être. Richard, Suzy vous a parlé de M. Reynaud. Oui, et elle m'a dit que d'aucun homme, elle ne pensait plus de bien. Mais elle vous a dit aussi que c'était peut-être pour moi un mariage, un peu tranquille, un peu bourgeois. Oh, méchante sœur, croiriez-vous, Richard, que je ne puis lui ôter cette crainte de la tête? Elle ne comprend pas que je veux, avant tout, aimer et être aimée. Croiriez-vous, Richard, qu'elle m'a tendu, la semaine dernière, un piège horrible? Vous savez, il y a de par le monde un prince Romanelli. Oui, vous auriez pu être princesse. Cela n'aurait pas rencontré, je crois, d'immenses difficultés. Eh bien, un jour, j'avais eu l'imprudence de dire à Suzy que le prince Romanelli, à la rigueur, me paraissait acceptable. Imaginez-vous ce qu'elle a fait. Les Turner étaient à Trouville. Suzy a tramé un petit complot. On m'a fait déjeuner avec le prince, mais le résultat a été désastreux. Acceptable. Les 2 heures que j'ai passées avec lui, je les ai passées à me demander comment j'avais pu dire une telle parole. Non, Richard, non, Suzy, je ne veux être ni princesse, ni comtesse, ni marquise. Je veux être Madame Jean Reynaud, si Monsieur Jean Reynaud le veut bien, et cela n'est pas certain. Le régiment entrait dans le village, et brusquement une fanfare éclata, martiale et joyeuse, à travers l'espace. Tous les 3 restèrent silencieux. C'était le régiment. C'était Jean qui passait. La sonorité diminua, s'éteignit, et Bettina reprenant. Non, cela n'est pas certain. Il m'aime cependant, et beaucoup, mais sans trop savoir ce que je suis. Je pense que je mérite d'être aimée autrement. Je pense que je ne lui causerai pas une semblable frayeur s'il me connaissait mieux. Et c'est pour cela que je vous demande la permission de lui parler ce soir, librement, à cœur ouvert. Nous vous l'accordons, répondit Richard. Nous vous l'accordons tous les 2. Nous savons que vous ne ferez jamais rien, Bettina, que de noble et de généreux. J'essaierai tout au moins. Les enfants reviennent en courant. Ils ont vu Jean. Il était tout blanc de poussière. Il leur a dit bonjour. Seulement, ajouta Bella, il n'a pas été gentil. Il s'est pas arrêté pour nous parler. Il s'arrête ordinairement, et ce matin, il n'a pas voulu. Si, il a voulu, répond Harry, car il a fait d'abord un mouvement comme ça. Et puis, il n'a plus voulu. Il est reparti. Enfin, il s'est pas arrêté, et c'est si amusant de causer avec un militaire. Surtout quand il est à cheval. C'est pas ça seulement, c'est que nous l'aimons bien, monsieur Jean. Si tu savais, papa, comme il est bon, comme il sait bien jouer avec nous, et comme il fait des beaux dessins. Harry, tu te rappelles pas, ce grand polichinelle qui était si drôle avec son bâton. Et le chat, il y avait aussi le chat, comme à Guignol. Les 2 enfants s'éloignent en parlant de leur ami Jean. « Décidément, dit Monsieur Scott, tout le monde l'aime dans la maison. »« Et vous ferez comme tout le monde, quand vous le connaîtrez, » répond Bettina. Le régiment a pris le trot sur la grande route, au sortir du village. Voici la terrasse où Bettina se trouvait l'autre matin. Jean se dit, si elle était là, il le redoute et l'espère en même temps. Il lève la tête. Il regarde. Elle n'y est pas. Il ne l'a pas revue. Il ne la reverra pas, de longtemps, au moins. Il va partir le soir même, à 6 heures, pour Paris. Un des directeurs du ministère de la guerre s'intéresse à lui. Il va tâcher de se faire envoyer dans un autre régiment. Jean a beaucoup réfléchi là-bas, seul, à Cersotte. Et voici... quel a été le résultat de ses réflexions? Il ne peut pas, il ne doit pas être le mari de Bettina. Les hommes mettent pied à terre dans la cour du quartier. Jean prend congé de son colonel et de ses camarades. Tout est fini, Il est libre. Il pourrait partir. Il ne part pas cependant. Il regarde autour de lui. Comme il était heureux, 3 mois auparavant, lorsqu'il sortait de cette grande cour à cheval, dans le fracas des canons, roulant sur le pavé de Souvigny. Comme il va en sortir tristement aujourd'hui. Sa vie autrefois était là. Où sera-t-elle maintenant? Il rentre. Il monte chez lui. Il écrit à Madame Scott. Il lui dit que pour affaire de service, il est obligé de partir à l'instant même. Il ne pourra pas dîner au château. Il prie Madame Scott de le rappeler au souvenir de Mademoiselle Bettina. Bettina. Ah! Qu'il a eu de peine à écrire ce nom. Il ferme sa lettre. Il l'enverra tout à l'heure. Il fait ses préparatifs de départ. Ensuite, il ira dire adieu à son parrain. C'est là ce qui lui coûte le plus. Il ne lui parlera que d'une absence de peu de durée. Il ouvre un des tiroirs de son bureau pour y prendre de l'argent. La première chose qui frappe ses yeux est une petite lettre sur papier bleuté. C'est le seul billet qu'il ait reçu d'elle. « Voulez-vous avoir la bonté de remettre au porteur le livre dont vous m'avez parlé hier soir? Il sera peut-être un peu sérieux pour moi. Je voudrais cependant essayer de le lire. À tout à l'heure. Venez le plus tôt possible. » C'est signé Bettina. Jean lit et relit ces quelques lignes. Mais bientôt, il ne peut plus lire. Ses yeux sont troublés. C'est tout ce qui me restera d'elle, se dit-il. Au même moment, l'abbé Constantin est en tête à tête avec Pauline. Ils font leur compte. La situation financière est admirable. Plus de 2 000 francs en caisse. Et les vœux de Suzy et de Bettina sont comblés. Il n'y a plus de pauvres dans le pays. La vieille Pauline a même, par instant, de légers scrupules de conscience. « Voyez-vous, monsieur le curé, dit-elle, nous donnons peut-être un peu trop. Ça commence à se répandre dans les autres communes qu'on fait ici la charité à bureau ouvert. Et savez-vous ce qui arrivera un de ces jours? On viendra s'établir, pauvre, à Longueval. » Le curé donne 50 francs à Pauline. Elle sort pour aller les porter à un pauvre homme qui s'est cassé le bras en tombant du haut d'une charrette de foin. L'abbé Constantin reste seul au presbytère. Il est soucieux. Il a guetté le régiment au passage. Mais Jean ne s'est arrêté qu'un instant. Il avait l'air triste. Depuis quelque temps déjà, l'abbé s'en est bien aperçu. Jean n'a plus sa bonne humeur et sa gaieté d'autrefois. Le curé ne s'en était pas trop inquiété, croyant à un de ses petits chagrins de jeunesse qui ne regardait pas un pauvre vieux bonhomme de prêtre. Mais la préoccupation de Jean était ce jour-là très marquée. « Je viendrai tout à l'heure, mon parrain, » avait-il dit au curé. « J'ai besoin de vous parler. » Il était parti brusquement. L'abbé Constantin n'avait pas eu le temps de donner à Loulou son morceau de sucre, ou plutôt ses morceaux de sucre, car il en avait mis 5 ou 6 dans sa poche, considérant que Loulou avait bien mérité ce régal par 10 grands jours d'étape et par 20 nuits passées à la Belle Étoile. D'ailleurs, depuis l'installation de Madame Scott au château, Loulou avait très souvent plusieurs morceaux de sucre. L'abbé Constantin devenait dépensier, prodigue. Il se sentait millionnaire. Le sucre du cheval de Jean était une de ses folies. Un jour même, il avait été sur le point d'adresser à Loulou son éternel petit discours. « Cela vient des nouvelles châtelaines de Longueval. Priez pour elles ce soir. » Il était 3 heures lorsque Jean arriva au presbytère. Et le curé, tout aussitôt. « Tu m'as dit que tu avais besoin de me parler. De quoi s'agit-il ? » ?»« D'une chose, mon parrain, qui va vous surprendre, vous chagriner, et qui me chagrine aussi. Je viens vous faire mes adieux. »« Tes adieux ? Tu pars ? » ?»« Oui, je pars. » »« quand cela ? Aujourd'hui même, dans 2 heures. Dans 2 heures ? Mais nous devions dîner ce soir au château. Je viens d'écrire à Madame Scott pour m'excuser. Je suis absolument forcée de partir. Tout de suite ? Tout de suite. Et tu vas ? À Paris. À Paris ? Pourquoi cette détermination soudaine ? Pas si soudaine. Il y a longtemps que je songe à ce départ. Et tu ne m'en avais rien dit ? Jean, il se passe quelque chose. Tu es un homme. Et je n'ai plus le droit de te traiter en enfant. Mais enfin, tu sais combien je t'aime. Si tu as des tourments, des ennuis, pourquoi ne pas me les dire ? Je pourrais peut-être te donner un bon conseil. Jean, pourquoi vas-tu à Paris ? J'aurais voulu ne pas vous le dire. Cela va vous faire de la peine. Mais vous avez le droit de savoir. Je vais à Paris pour demander à être envoyé dans un autre régiment. Dans un autre régiment ? Quitter Souvigny ? Oui, précisément. Quitter Souvigny. Pour quelque temps. Pour peu de temps. Mais enfin quitter Souvigny. C'est cela que je veux. C'est cela qui est nécessaire. Et moi, Jean, tu ne penses donc pas à moi ? Pour peu de temps. Peu de temps. Mais c'est ce qui me reste à vivre, peu de temps. Et pendant ces derniers jours, que je dois à la grâce de Dieu, c'était mon bonheur, Jean, oui, c'était mon bonheur de te sentir là, près de moi. Et tu t'en irais ? Jean, attends un peu, patiente, ça ne sera pas bien long. Attends que le bon Dieu m'ait rappelé à lui. Attends que je sois allée retrouver là, à côté, et ton père et ta mère. Ne t'en va pas, Jean, ne t'en va pas. Si vous m'aimez, moi aussi je vous aime, et vous le savez bien. Oui, je le sais. J'ai pour vous cette même tendresse que j'avais quand j'étais tout petit, quand vous m'avez recueilli, quand vous m'avez élevé. Mon cœur n'a pas changé, ne changera jamais. Mais si le devoir, si l'honneur m'oblige à partir. Ah, si c'est le devoir, si c'est l'honneur, je ne dis plus rien, Jean. Tout passe après cela. Tout, tout. Je t'ai toujours connu bon juge de ton devoir, bon juge de ton honneur. Pars, mon enfant, pars. Je ne te demande rien. Je ne veux rien savoir. Eh bien, moi, je veux tout vous dire, s'écria Jean, vaincu par son émotion. Aussi bien vaut-il mieux que vous sachiez tout. Vous restez ici. Vous retournerez au château. Vous la reverrez. Elle. Qui, elle ? Bettina. Bettina ? Je l'adore, mon parrain, je l'adore. Oh, mon pauvre enfant ! Pardonnez-moi de vous parler de ces choses, mais je vous l'ai dit comme je les dirais à mon père. Et puis, je n'ai jamais pu en parler à personne, et cela m'étouffait. Oui, c'est une folie qui, peu à peu, s'est emparée de moi, malgré moi. Car vous comprenez bien, mon Dieu, c'est ici même que j'ai commencé à l'aimer. Vous savez, quand elle est venue avec sa sœur, les petits rouleaux de 1000 francs, ses cheveux qui se sont défaits, et le soir, le mois de Marie. Puis il m'a été permis de la voir librement, familièrement, et vous-même, sans cesse, vous me parliez d'elle, vous me vantiez sa douceur, sa bonté. Que de fois vous m'avez dit qu'il n'y avait rien de meilleur au monde. Et je le pensais, et je le pense encore, et personne ici ne la connaît mieux que moi, car je suis le seul à l'avoir vue chez les pauvres. Si tu savais, dans nos tournées le matin, elle est si tendre et si brave. Ni la misère, ni la souffrance ne la rebute. Mais j'ai tort de te dire tout cela. Non, non. Je ne veux plus la revoir, mais je veux bien entendre parler d'elle. Tu ne rencontreras pas dans la vie, Jean, de femme meilleure et qui ait des sentiments plus élevés. À tel point qu'un jour, elle m'avait emmenée dans une voiture découverte qui était pleine de joujoux. Elle portait ses joujoux à une petite fille malade et en les lui donnant, pour la faire rire, cette petite pour l'amuser, elle lui parlait si gentiment, que je pensais à toi, et que je me disais, je m'en souviens maintenant. Ah, si elle était pauvre. Oui, si elle était pauvre, mais elle ne l'est pas. Oh non, enfin, que veux-tu, mon pauvre enfant, si ça te fait du mal de la voir, de vivre près d'elle, comme il faut, avant tout, que tu ne souffres pas, va-t'en, c'est cela, va-t'en, et cependant. Le vieux prêtre devint songeur, laissa tomber sa tête dans ses mains et resta pendant quelques instants silencieux. Puis il continua. Et cependant, Jean, sais-tu à quoi je pense? Je l'ai beaucoup vue, mademoiselle Bettina, depuis son arrivée à Longueval. Eh bien, je réfléchis. Cela ne m'étonnait pas alors. Cela me semblait si naturel que l'on s'intéressait à toi. Mais enfin, elle parlait de toi, toujours. Oui, toujours. De moi? Oui, et de ton père et de ta mère. Elle était curieuse de savoir comment tu vivais. Elle me demandait de lui expliquer ce que c'était que l'existence d'un soldat, d'un vrai soldat, aimant son métier et le faisant en conscience. C'est extraordinaire. Depuis que tu m'as dit cela, il se fait dans ma tête tout un travail de souvenirs. Mille petites choses se groupent, se rapprochent. Ainsi, elle est revenue du Havre avant-hier à 3 heures. Eh bien, 1 heure après son arrivée, elle était ici. Et c'est de toi, tout de suite, qu'elle m'a parlé. Elle m'a demandé si tu m'avais écrit, si tu n'avais pas été malade, quand tu arriverais, à quelle heure, si le régiment passerait par le village. Il est inutile, mon parrain, de rechercher tous ces souvenirs. Non, cela n'est pas inutile. Elle paraissait si contente, si heureuse même, de penser qu'elle allait te revoir. Ce dîner de ce soir, elle s'en faisait une fête. Elle devait te présenter à son beau-frère qui est arrivé. Il n'y a personne en ce moment au château, pas un seul invité. Elle insistait beaucoup sur ce point, et je me rappelle sa dernière phrase. Elle était là sur le seuil de la porte. « Nous ne serons que 5 », m'a-t-elle dit. « Vous et Monsieur Jean, ma sœur, mon beau-frère et moi. » Et elle a ajouté en riant, « Un vrai dîner de famille. » C'est sur ce mot qu'elle est partie, qu'elle s'est sauvée presque. « Un vrai dîner de famille. Sais-tu ce que je crois, Jean? Le sais-tu? » « Il ne faut pas croire cela, mon parrain, il ne faut pas. Jean, je crois qu'elle t'aime. Et moi aussi, je le crois. Toi aussi ? Quand je l'ai quittée il y a 20 jours, elle était si agitée, si émue. Elle me voyait triste et malheureux. Elle ne voulait pas me laisser partir. C'était sur le perron du château. J'ai dû m'enfuir. Oui, m'enfuir. J'allais parler, éclater. Tout lui dire. Après avoir fait 50 pas, je me suis arrêtée. Je me suis retournée. Elle ne pouvait plus me voir. J'étais en pleine nuit. Mais je la voyais, moi. Elle était restée, là, immobile, les épaules et les bras nus, sous la pluie, regardant du côté par où j'étais partie. Peut-être suis-je fou de penser que... Peut-être n'était-ce qu'un sentiment de pitié. Mais non, c'était autre chose que de la pitié. Car savez-vous ce qu'elle a fait le lendemain matin? Elle est venue à 5 heures, par un temps effroyable, me voir passer sur la route avec le régiment. Et là, sa façon de me dire adieu. Ah, mon parrain, mon parrain. Mais alors, dit le pauvre curé, complètement bouleversé, complètement désorienté. Mais alors je ne comprends plus du tout. Si tu l'aimes, Jean, et si elle t'aime. Mais c'est à cause de cela surtout qu'il faut que je parte. S'il n'y avait que moi, si j'étais certain qu'elle ne s'est pas aperçue de mon amour, certain qu'elle n'en a pas été attendrie, je resterai, rien que pour la douceur de la voir, et je l'aimerai de loin, sans espérance aucune, rien que pour le bonheur de l'aimer. Mais non, elle a bien compris, et loin de me décourager, enfin, voilà ce qui m'oblige à partir. Non, je ne comprends plus. Je sais bien, mon pauvre enfant, que nous parlons là de choses où je ne suis pas un grand clerc. Mais enfin, vous êtes tous les deux bons, jeunes et charmants. Tu l'aimes, elle t'aimerait, et tu ne pourrais pas. Et son argent, mon parrain, et son argent. Qu'importe son argent, ce n'est rien que son argent. Est-ce que c'est à cause de son argent que tu l'as aimé? C'est plutôt malgré son argent. Ta conscience, mon Jean, sera bien en paix à cet égard, et cela suffit. Non, cela ne suffit pas. Avoir bonne opinion de soi-même, ce n'est pas assez. Il faut encore que cette bonne opinion soit partagée par les autres. Ô Jean, parmi ceux qui te connaissent, qui pourrait douter de toi? Qui sait? Et puis, il y a autre chose que cette question d'argent. Autre chose de plus sérieux et de plus grave. Je ne suis pas le mari qui lui convient. Et quel autre plus digne que toi? Il ne s'agit pas de rechercher ce que je puis valoir. Il s'agit de considérer ce qu'elle est et de considérer ce que je suis. Il s'agit de se demander ce que doit être sa vie et ce que doit être ma vie à moi. Un jour, Paul, vous savez, il a une façon un peu brutale de dire les choses, mais cela donne souvent à la pensée beaucoup de clarté. Il était question d'elle. Paul ne se doutait de rien sans cela. Il est bon et n'aurait pas ainsi parlé. Eh bien, il me disait, ce qu'il lui faut, c'est un mari qui soit bien à elle, tout à elle. Un mari qui n'ait d'autre souci que de faire de son existence une fête perpétuelle. Un mari, enfin, qui lui en donne pour son argent. Vous me connaissez. Un tel mari, je ne peux pas, je ne dois pas l'être. Je suis soldat et veux rester soldat. Si les hasards de ma carrière m'envoient un jour en garnison, dans quelque trou des Alpes ou dans un village perdu de l'Algérie, puis-je lui demander de me suivre? Puis-je la condamner à cette existence de femme de soldat qui est, en somme, un peu l'existence du soldat? Pensez à la vie qu'elle mène aujourd'hui, à tout ce luxe, à tous ses plaisirs. Oui, dit l'abbé, cela est plus sérieux que la question d'argent. Tellement sérieux qu'il n'y a pas d'hésitation possible. Pendant ces 20 jours que j'ai passés là-bas, seul au camp, j'ai bien pensé à tout cela. Je n'ai pensé qu'à cela. Et l'aimant comme je l'aime, il faut que les raisons soient bien fortes, qui me montrent clairement mon devoir. Je dois m'en aller, loin, bien loin, le plus loin possible. J'en souffrirai beaucoup, mais je ne dois plus la revoir. Je ne dois plus la revoir. Jean se laissa tomber sur un fauteuil, près de la cheminée. Il resta là, accablé. Le vieux prêtre le regardait. « Te voir malheureux, mon pauvre enfant, qu'une telle douleur tombe sur toi. Cela est trop cruel, trop injuste. » À ce moment, on frappa légèrement à la porte. « Ah ! » dit le curé. « N'aie pas peur, Jean. Je vais renvoyer. » L'abbé se dirigea vers la porte, l'ouvrit et recula comme devant une apparition inattendue. C'était Bettina. Tout de suite, elle avait vu Jean, et allant droit à lui. « Vous ? » s'écria-t-elle. « Oh, que je suis contente !» Il s'était levé. Elle lui avait pris les deux mains, et s'adressant à l'abbé. « Je vous demande pardon, monsieur le curé, si c'est à lui d'abord que je suis allée. Vous, je vous ai vu hier, et lui, pas depuis 20 grands jours, pas depuis certains soirs, où il est parti de la maison, triste et souffrant. » Elle tenait toujours les mains de Jean. Il ne se sentait la force ni de faire un mouvement, ni de prononcer une parole. « Et maintenant, continua Bettina, allez-vous mieux ?»« Non, pas encore. Je le vois. Encore triste. Ah, comme j'ai bien fait de venir. J'ai eu là une inspiration. Cependant, cela me gêne un peu. Cela me gêne beaucoup de vous trouver ici. Vous comprendrez pourquoi, lorsque vous saurez ce que je viens demander à votre parrain. » Elle abandonna les mains de Jean et se tournant vers l'abbé. « Je viens, monsieur le curé, vous prier de vouloir bien entendre ma confession. » « Oui, ma confession. Mais ne vous avisez pas de vous en aller, monsieur Jean. Je ferai ma confession publiquement. Je parlerai très volontiers devant vous. Et même en y songeant, cela sera bien mieux ainsi. Asseyons-nous, voulez-vous ? » Elle se sentait pleine de confiance et de hardiesse. Elle avait la fièvre, mais cette fièvre qui, sur le champ de bataille, donne aux soldats de l'ardeur, de l'héroïsme et le mépris du danger. L'émotion qui faisait battre le cœur de Bettina, plus vite qu'à l'ordinaire, était une émotion haute et généreuse. Elle se disait « Je veux être aimée, je veux aimer, je veux être heureuse, je veux qu'il soit heureux. Et puisque lui ne peut pas avoir le courage, c'est à moi de marcher seule, la tête haute et d'un cœur tranquille, à la conquête de notre amour, à la conquête de notre bonheur. » Bettina, dès les premiers mots, avait pris sur l'abbé et sur Jean un complet ascendant. Il la laissait dire, il se laissait faire. Il sentait bien que l'heure était suprême. Il comprenait que ce qui allait se passer là serait décisif, irrévocable. Mais il n'était ni l'un ni l'autre en état de prévoir. Il s'était assis docilement, presque automatiquement. Ils attendaient, ils écoutaient. Entre ces deux hommes éperdus, Bettina seule était de sang-froid. Ce fut d'une voix nette et précise qu'elle commença. « Je vous dirai d'abord, monsieur le curé, et cela pour mettre votre conscience pleinement en repos, je vous dirai que je suis ici avec le consentement de ma sœur et de mon beau-frère. Ils savent pourquoi je suis venue. Ils savent ce que je vais faire. Ils ne le savent pas seulement, ils l'approuvent. C'est entendu, n'est-ce pas ? Eh bien, ce qui m'amène, c'est votre lettre, monsieur Jean. Cette lettre par laquelle vous avez appris à ma sœur que vous ne pouviez pas ce soir venir dîner avec nous et que vous étiez absolument obligé de partir. Cette lettre a dérangé tous mes projets. En effet, ce soir, toujours avec la permission de ma sœur et de mon beau-frère, je voulais, après le dîner, vous emmener dans le parc. J'avais eu l'enfantillage de choisir la place d'avance, tout à l'heure. Là, je vous aurais tenu un petit discours, très préparé, très étudié, presque appris par cœur. Car depuis votre départ, je ne pense qu'à ce petit discours. Je me le récite à moi-même, du matin au soir. Voilà donc ce que je me proposais de faire. Et vous comprenez que votre lettre, je me suis trouvée fort embarrassée. J'ai un peu réfléchi et je me suis dit que si j'adressais mon petit discours à votre parrain, ce serait à peu près comme si je vous l'adressais à vous-même. Je suis donc venue, monsieur le curé. Vous priez de vouloir bien m'écouter. « Je vous écoute, mademoiselle, » balbutia l'abbé. « Je suis riche, monsieur le curé, je suis très riche, et à vous parler franchement, j'aime beaucoup mon argent. Oui, je l'aime beaucoup. Je lui dois ce luxe qui m'entoure, ce luxe qui, je l'avoue, c'est une confession, ne m'est aucunement désagréable. Mon excuse, c'est que je suis encore bien jeune, cela passera peut-être avec l'âge. Mais enfin, cela n'est pas bien sûr. J'ai une autre excuse. C'est que, si j'aime un peu mon argent pour les agréments qu'il me procure, je l'aime beaucoup pour le bien qu'il me permet de faire autour de moi. Je l'aime en égoïste, si vous voulez, pour la joie que me cause le plaisir de donner. Enfin, je crois que ma fortune n'est pas trop mal placée entre mes mains. Eh bien, monsieur le curé, de même que vous avez, vous, charge d'âme, il me semble que j'ai, moi, charge d'argent. Je me suis toujours dit, Je veux que mon mari soit, avant tout, digne de partager cette grande fortune. Je veux être bien certaine qu'il en fera bon usage avec moi, tant que je serai là, et après moi, si je dois m'en aller de ce monde la première. Je me disais encore autre chose. Je me disais, celui qui sera mon mari, je veux l'aimer. Et voilà, monsieur le curé, où véritablement commence ma confession. Il est un homme qui, depuis 2 mois, a fait tout ce qu'il a pu pour me cacher qu'il m'aimait. Mais cet homme, je n'en doute pas, il m'aime. Jean, n'est-ce pas, vous m'aimez ? Oui, dit Jean, tout bas, les yeux fermés, comme un criminel. Je vous aime. Je le savais bien. Mais enfin, j'avais besoin de vous l'entendre dire. Et maintenant, Jean, je vous en conjure, ne prononcez plus un seul mot. Toute parole de vous serait inutile, me troublerait, m'empêcherait d'aller jusqu'au bout et de vous dire ce que je tiens absolument à vous dire. Promettez-moi de rester là, assis, sans bouger, sans parler. Vous me le promettez. Je vous le promets. Bettina perdait un peu de son assurance. Sa voix tremblait légèrement. Elle reprit cependant, avec un enjouement un peu forcé. « Mon Dieu, monsieur le curé, je ne vous accuse certainement pas de ce qui est arrivé, mais pourtant tout cela est un peu votre faute. »« Ma faute ? Ah, ne me parlez pas, vous non plus. »« Oui, je le répète, votre faute. Je suis certaine que vous avez dit à Jean beaucoup de bien de moi, beaucoup trop. Peut-être sans cela n'aurait-il pas songé. Et en même temps, à moi, vous me disiez beaucoup de bien de lui. Pas trop, non, non, mais enfin beaucoup. Alors moi, j'avais tant de confiance en vous que j'ai commencé à le regarder et à l'examiner avec un peu plus d'attention. Je me suis mise à le comparer avec ceux qui, depuis 1 an, avaient demandé ma main. Il m'a paru qu'il leur était de toute manière absolument supérieur. Enfin, il est arrivé qu'un certain jour, ou plutôt un certain soir, il y a 3 semaines, la veille de votre départ, Jean, je me suis aperçue que je vous aimais. Oui, Jean, je vous aime. Je vous en conjure. Jean, ne dites rien. Restez assis. Ne vous approchez pas de moi. J'avais fait, avant de venir ici, provision de courage. Mais je n'ai déjà plus, vous le voyez, mon beau calme de tout à l'heure. J'ai encore cependant certaines choses à vous dire, et les plus importantes de toutes. Jean, écoutez-moi bien. Je ne veux pas d'une réponse arrachée à votre émotion. Je sais que vous m'aimez. Si vous devez m'épouser, je ne veux pas que ce soit seulement par amour. Je veux que ce soit aussi par raison. Pendant ces 15 jours qui ont précédé votre départ, vous avez pris un tel soin de me fuir, de vous dérober à tout entretien, que je n'ai pas pu me montrer à vous tel que je suis. Il y a en moi peut-être certaines qualités que vous ne connaissez pas. Jean, je sais ce que vous êtes. Je sais à quoi je m'engagerai en devenant votre femme. Et je serai pour vous non pas seulement une femme aimante et tendre, mais aussi une femme courageuse et ferme. Je connais votre vie entière. C'est votre parrain qui me l'a raconté. Je sais pourquoi vous êtes soldat. Je sais quels devoirs, quels sacrifices vous pouvez entrevoir dans l'avenir. Jean, n'en doutez pas, je ne vous détournerai d'aucun de ces devoirs, d'aucun de ces sacrifices. Si je pouvais vous en vouloir de quelque chose, je vous en voudrais peut-être de cette pensée. Oh, vous avez dû l'avoir, que je vous souhaiterais libre et tout à moi, que je vous demanderai d'abandonner votre carrière. Jamais, jamais, entendez-vous bien, jamais je ne vous demanderai une pareille chose. Une jeune fille que je connais a fait cela en se mariant. Elle a fait une chose qui était mal. Je vous aime et je vous veux tel que vous êtes. C'est parce que vous vivez autrement et mieux que ceux qui m'ont désiré pour femme que je vous ai, moi, désiré pour mari. je vous aimerai moins. Je ne vous aimerai peut-être plus du tout. Cela me serait bien difficile, cependant, si vous vous mettiez à vivre comme vivent tous ceux dont je n'ai pas voulu. Quand je pourrai vous suivre, je vous suivrai, et partout où vous serez sera mon bonheur. Et si le jour arrive où vous ne pourrez pas m'emmener, le jour où vous devrez partir seul, eh bien, Jean, ce jour-là, je vous promets d'avoir du courage, pour ne pas vous enlever votre courage à vous. Et maintenant, monsieur le curé, ce n'est pas à lui, c'est à vous que je m'adresse. Je veux que ce soit vous qui répondiez, pas lui. Dites s'il m'aime et s'il me sent digne de lui. Serait-il juste de me faire expier si durement ma fortune? Dites, ne doit-il pas accepter d'être mon mari? Jean, dit gravement le vieux prêtre, épouse-la. C'est ton devoir et ce sera ton bonheur. Jean s'approcha de Bettina, la prit dans ses bras et posa sur son front un premier baiser. Bettina se dégagea doucement et s'adressant à l'abbé. « Et maintenant, monsieur le curé, j'ai encore quelque chose à vous demander. Je vous en prie, monsieur le curé, embrassez-moi. » Le vieux prêtre l'embrassa sur les deux joues, paternellement, et ensuite Bettina. « Vous m'avez dit bien souvent, monsieur le curé, que Jean était un peu votre fils. Moi aussi, n'est-ce pas? Je serai un peu votre fille. Cela vous fera deux enfants. Voilà tout. » Un mois après, le 12 septembre, à midi, Bettina, dans la plus simple des robes de mariée, traversait l'église de Longueval, pendant que, placée derrière l'autel, la fanfare du 9e d'artillerie sonnait joyeusement sous les voûtes de la vieille église. Nancy Turner avait sollicité l'honneur de tenir l'orgue en cette circonstance solennelle, car le pauvre petit harmonium avait disparu. Un orgue au tuyau resplendissant se dressait dans la tribune de l'église. C'était le cadeau de noces de Miss Percival à l'abbé Constantin. Le vieux curé dit la messe. Jean et Bettina s'agenouillèrent devant lui. Il prononça la formule de la bénédiction et resta ensuite, pendant quelques instants en prière, les bras étendus, appelant de toute son âme les grâces du ciel sur la tête de ses deux enfants. L'orgue fit alors entendre cette même rêverie de Chopin que Bettina avait jouée, la première fois qu'elle était entrée dans cette petite église de village où devait être consacré le bonheur de sa vie. Et ce fut Bettina, cette fois, qui pleura. Fin de la section 75, lue par Margot.